Takuricutita, tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Takurituquita, cucul. Curituquita, chacatita, nucucu. Cucu, nucu, cucu. Chacacacutu. Chacuritu, cacat. Chatututu, chatucacat. Cucutu. Cucutu, Curicuchita, tucututututatat, curituquita, cucul, curitucachacatita, cucum, canana, cuchucu, chucachachacatita, caracat, curituquita, curichacatac, curitacacacacu, tututu, mumumu, curichuquita, tat.